Avertissement de l'auteur. L'œuvre présente sur le fichier que vous allez écouter est protégée par le droit d'auteur. Toute utilisation outrepassant l'usage à titre privé, notamment la commercialisation de quelque manière que ce soit, a fortiori la vente sans le consentement contractuel de l'auteur, constituera une violation des droits de l'écrivain et sera susceptible d'entraîner des poursuites légales. Anne Cécilie, Bon baiser du purgatoire. Prix du roman policier du Festival de Cognac. Prologue. La plupart des femmes portent leur enfant dans le ventre. C'est du moins ce qu'on avait expliqué à Franny Monroe lorsqu'elle avait 6 ans. Elle réalisa plus tard que cette vérité avait un caractère très relatif, puisqu'un bébé s'était installé dans sa tête. Au début, elle en fut contente. C'était agréable de vivre avec ce gazouillement au fond de la cervelle. On se sentait moins seul et on n'avait pas à partager ses jouets. Pourtant, à l'usage, ce côtoiement lui posa des problèmes. Un bébé, ça grandit, n'est-ce pas? Très vite, l'enfant qu'elle abritait dans son crâne exigea une extension de son territoire vital. Plus il prenait de place, plus le cerveau de Franny rétrécissait. C'est ainsi que les choses commencèrent à mal tourner pour Frances Caroline Monroe, qu'on surnommait Fran ou Franny. En fait, on peut avancer sans risque de se tromper que c'est pour cette unique raison qu'à l'aube de ses 14 ans, Fran choisit, pour son plus grand malheur, de devenir une sorcière. La nuit était en train de les avaler comme une gueule béante aspirant toute la saloperie du monde, les étoiles, les papillons et le reste. Tous ces trucs qui ne servent à rien, sinon à ramasser la poussière sur les étagères de la création. C'est du moins ce que disait Man quand il lui prenait la mauvaise idée de pénétrer dans la chambre de Fran pour y faire le ménage et qu'elle commençait à vituperer contre la multitude de bibelots imbéciles amassés par sa fille. La voiture sautait davantage qu'elle ne roulait et on avait l'impression qu'elle ne progressait plus que par à-coups de reins successifs, à la manière de ces vieux chiens qui viennent de se faire accrocher par un pare-choc aux abords d'un parking et ne réalisent pas encore qu'ils ont les lombaires brisées. La voiture hoquetait, s'arrêtait, puis faisait un nouveau bond. Le caractère obscène de ces ruades amusait beaucoup les garçons. À l'intérieur de la Ford, la tension grimpait au milieu des rires. Le danger aussi. Franny réalisa brusquement que des 3 filles traînant au Howard Johnson, elle était la seule à avoir commis l'erreur de monter dans la voiture pour suivre les 5 garçons en balade. « Je suis malade, arrête-toi » dit-elle à Bob, le conducteur et le chef de bande. « Je vais gerber. » « Je vais gerber », c'était une expression qu'elle n'avait pas l'habitude d'utiliser. Elle le faisait ce soir comme on emploie une langue étrangère, apprise grâce à des cassettes, sans avoir réellement l'espoir d'être comprise. « Mais non, regarde !» ulula le jeune homme. « C'est trop tard, on est sur la rampe de lancement. La fusée décolle, les réacteurs chient du napalm en fusion. C'est génial !» Les haut-parleurs vomissaient un tonnerre de heavy metal à rendre sourd un ouvrier des fonderies de Détroit. Fran serra les dents. La migraine allait revenir, telle la méchante sorcière de l'Est. Depuis des années, Franny Monroe luttait contre cette douleur sporadique pulsant au centre de son cerveau. Aucun médicament n'en était jamais venu à bout. Aucun. La jeune fille plissa les yeux. Elle vit luire quelque chose dans l'obscurité. Des traînées d'acier parallèles, du métal huileux, 2 coulées de mercure qui filaient vers la ligne d'horizon. Des rails. La Ford roulait sur la voie ferrée. « On va à la rencontre du train !» lança le conducteur d'une voix de fausset qui blessait les tympans. « Un duel. Chicken run. Au dernier moment, on esquive le coup de corne. Comme les matadors. »« On est sur les rails !» balbutia la jeune fille. « Tu es dingue ? Il faut sortir de là !» Mais la dexédrine ralentissait ses mécanismes mentaux. Ils en avaient tous pris. Le grand partage. « Je veux sortir » hurla-t-elle. Alors elle céda à la panique et tapa du plat de la main sur les épaules de ses voisins, dans l'espoir absurde de les ramener à la réalité. Ils encaissèrent les coups sans broncher, à peine conscients de ce qui se passait. Ce n'étaient déjà plus des humains, à peine des quartiers de viande enveloppés dans des blousons de cuir écaillé. Au loin, les feux du train percèrent deux trous d'épingle dans le papier noir de la nuit, juste en face du capot. « Sors des rails !» hurla Franny. « Ta gueule !» cria Bob à son tour. « On a tout le temps !» Alors, au milieu des rires, elle attrapa le volant, arrachant la voiture à sa trajectoire suicidaire. La Ford tressauta, glissa dans le fossé qui longeait la voie ferrée pour s'immobiliser enfin, la calandre encastrée dans un tas d'immondices. « Quelle conne !» dit l'un des passagers. « La voilà qui nous coupe en plein trip. » « Tu vas le payer !» lança Bob en agrippant Franny par sa veste. « Yo ! Tu dois payer !» renchérit une voix batteuse. « Pas question, ma vieille, de nous laisser dans cet état. »« Elle nous a tout gâché !» pleurnicha quelqu'un à sa droite. « Elle nous laisse en plan juste quand ça devenait intéressant. »« Les filles, ça ne s'est pas rigolé !» marmonna l'un des passagers du siège avant. Bob n'avait toujours pas relâché son étreinte. Il cracha au visage de Franny. « Puisque tu nous as foutu en l'air nos petites réjouissances, tu dois nous dédommager d'une autre manière. C'est normal, non ?» D'un geste, il projeta la jeune fille en arrière. La tête de Fran alla heurter la portière. Les quatre garçons s'étaient tus, attendant le signal de l'attaque. Puis la sentence tomba. « Sûr, elle doit payer !» ricana une voix. « Yo, c'est ça !» conclut Bob. « Au moins qu'elle serve à quelque chose. » Franny n'entendit pas la suite, car le train lancé à pleine vitesse passa dans un vacarme d'avalanche, frôlant la voiture. L'agression sonore figea les garçons, les poussant à se boucher les oreilles. C'était comme d'aimer les talons à sabots de fer galopant sur une plaque de tôle par une nuit d'orage, ou le choc d'épées géantes ferraillant pour essayer de découper la lune en morceaux. Franny en profita pour tâtonner à la recherche de la poignée. La portière s'ouvrit d'un coup et elle se releva hors du véhicule. Elle se retrouva à quatre pattes, escaladant le talus comme si la voiture risquait d'exploser. « On te suit, ma poule !» cria l'un des garçons. « Tu préfères l'herbe ? C'est ton droit. Moi, ça ne me dérange pas. »« Tu ne nous échapperas pas, connasse, reviens ici !» hurla Bob. Franny se mit à courir au hasard, s'enfonçant dans la forêt. Il lui sembla entendre des halètements, comme si ses poursuivants se rapprochaient, puis elle réalisa qu'il s'agissait de sa propre respiration. Ses sens, avivés par la drogue, lui emplissaient la tête de sonorités déformées qui semblaient sortir d'un synthétiseur détraqué. Elle perdit la notion du temps, le sens de l'orientation. Soudain, elle glissa sur les feuilles humides et s'étala dans une flaque. Elle crut sentir des doigts sur ses chevilles. Ce n'était que des brindilles. Elle se redressa. Le t-shirt que sa sœur aimait tant était déchiré. Elle en fut contrariée. Elle reprit sa course. La forêt craquait toujours, en pleine crise d'arthrite. Les branches se tordaient telles des mains de vieilles femmes rhumatisantes en quête d'un vain soulagement. Et puis, la migraine, bien sûr. La migraine. Enfin, elle aperçut une cabane de forestiers, un de ces abris de bûcherons faits de rondins emboîtés. Elle s'y précipita, referma la porte. Immobile, le dos collé à la cloison, elle s'efforça de contrôler sa respiration. L'oreille tendue, elle cherchait à détecter l'approche de l'ennemi. Elle ne perçut aucune cavalcade, aucun hurlement. Seuls les sons habituels de la nuit crépitaient sous les frondaisons, tel le bruit blanc d'un téléviseur après la fin des émissions. Elle se traîna jusqu'à la paillasse. « Ça t'apprendra à n'en faire qu'à ta tête !» hurla soudain une voix au fond de son crâne, là où la migraine pulsait avec méchanceté. « Et mon t-shirt fétiche, tu me l'as complètement salopé. Je t'avais pourtant dit d'en mettre un autre. » Franny prit son mal en patience. Sa sœur semblait décidée à en découdre. « Tu n'es qu'une imbécile, » reprit la voix intérieure. « Je t'ai prévenue dès le début de la soirée. Tu ne connaissais pas assez ces types pour partir avec eux. As-tu une seconde, une seule seconde, jeté un coup d'œil à leur gueule d'abruti? Je suis plus jeune que toi, mais mon QI est bien supérieur au tien. Tu dois en tenir compte. » Franny serra les dents. Elle devinait que la liste des reproches serait longue et qu'elle devrait boire la coupe jusqu'à la lie. Sa sœur n'avait pas de nom. Au début de leur cohabitation, Fran avait essayé de la baptiser, mais toujours sa cadette avait refusé les prénoms proposés avec une véhémence qui prenait vite la forme d'une insupportable migraine. C'était une histoire étrange, une association secrète, une curieuse passation de pouvoir, aurait-on pu dire. Après avoir commencé à pousser dans le ventre de leur mère, Janet Monroe, elle avait disparu brutalement à l'occasion d'une fausse couche, au troisième mois de son existence embryonnaire. Un accident idiot, une marche disjointe et patatras. Man avait roulé au bas de l'escalier de la cave, les bras encore serrés sur le carton de conserve que Pa lui avait ordonné de descendre. Des boîtes de haricots à la tomate. C'était trop stupide. Elle avait perdu le bébé à cause de faillots mexicains de type kidney ou rognon de coq, assaisonnés à la sauce piquante. Quand Man lui avait annoncé qu'elle n'aurait ni petit frère ni petite sœur, Fran avait obstinément refusé de la croire. « C'est pas vrai !» s'était-elle entêtée contre toute vraisemblance. « Tu dis ça pour m'embêter ? Je veux qu'il naisse. J'en ai assez d'être toute seule. Je m'occuperai bien du bébé, tu sais. » Et elle s'était dirigée vers sa mère pour lui palper le ventre. « Mais si, il est toujours là !» avait-elle crié. « Je le sens, je l'ai fait bouger !» Man s'était mise à sangloter et l'avait repoussée, une lueur de dégoût apeurée dans le regard. Toutefois, elle n'avait rien ajouté, rien expliqué. Chez les Monroe, on ne parlait jamais de ces choses, cela ne se faisait pas. Le père détestait par-dessus tout les histoires de bonnes femmes, ces confidences où il était question d'organes malades, d'intimité en proie à de mystérieux caprices. Avec le temps, Franny avait dû se rendre à l'évidence. Les mois passaient, mais le ventre de sa mère ne grossissait plus. Franny n'avait alors que 8 ans, mais elle savait d'où venaient les bébés et n'ignorait rien du déroulement d'une grossesse. Or, maman était désespérément plate. Le bébé était donc parti, parti pour de bon, il fallait l'admettre. Franny commençait à se résigner quand le miracle se produisit. La voix résonna dans sa tête pour la première fois. La voix du bébé, il était revenu. Sans doute lui avait-il fallu errer dans les méandres d'un interminable labyrinthe avant d'en trouver la sortie. Fanny se plaisait à l'imaginer sous l'aspect d'un petit nageur musclé, remontant des abîmes, brassant la vase en direction de la surface pour émerger enfin en pleine lumière. C'était une grande nouvelle. « Il avait fait naufrage, songea-t-elle, et je suis son canot de sauvetage. » « Ça y est » avait-elle crié en courant se suspendre aux jupes de sa mère. « Je sais où le bébé est parti. Elle n'est pas perdue. »« Pourquoi dis-tu elle ?» balbutia Man, en vérifiant d'un coup d'œil traqué que son mari ne croisait pas dans les parages. « Parce que c'est une sœur !» s'exclama Franny. « Elle me parle, dans ma tête !» Elle est vivante. Tu n'as pas su la garder assez longtemps, mais moi je saurai. Je ne la laisserai pas partir. On va devenir copines. Tais-toi, avait hoqueté Janet Monroe en lui plaquant la main sur la bouche. Il ne faut pas raconter des choses comme ça, tu entends? À personne. Et surtout pas à ton père. Mon Dieu, je finirai par croire que tu es folle alliée, ma pauvre petite. Le temps avait passé. Fran, alerté par l'expression hagarde surprise sur le visage de Man ce jour-là, ne s'était plus jamais vanté d'abriter dans sa tête une compagne secrète. D'ailleurs, sa sœur le lui avait formellement interdit. Si tu révèles mon existence à un étranger, répétait-elle, je m'en irai. Je te quitterai, j'irai habiter dans la tête d'une autre petite fille, et tu te retrouveras toute seule, comme une cloche. Le fantôme sororal restait parfois des semaines sans se manifester, comme ces animaux qui hibernent et que l'on croit morts, mais qui émergent de leur terrier au printemps, gambadants et pleins d'énergie. Franny avait fini par s'habituer à ces disparitions. Parfois, elle fermait les yeux pour mieux écouter les bruits dans sa tête. Elle imaginait son cerveau comme un immense grenier où galopent les souris. Sa sœur invisible dormait quelque part là-dedans, insensible aux toiles d'araignée qui la recouvraient. Elle attendait la prochaine bêtise de Franny pour sortir de son mutisme. Que serait devenu Fran sans les conseils de la petite fille fantôme qui somnolait sous ses cheveux? Elle n'en avait aucune idée. Il est vrai qu'elle suivait rarement les recommandations de sa passagère clandestine, mais cela n'avait pas d'importance. Sa sœur n'en demeurait pas moins une fille bien, courageuse, qui ne se trompait jamais. Une fille épatante, comme on disait dans les vieilles revues illustrées par Norman Rockwell, que Pa gardait au grenier, en souvenir de l'époque où l'Amérique était encore américaine. Avec la passagère clandestine, les événements avaient toujours un sens qu'elle s'appliquait à dévoiler plus tard, une fois la catastrophe consommée, pour faire comprendre à Franny combien elle avait été stupide de n'avoir rien vu venir. Ce soir, comme toutes les autres fois, elle avait eu raison dès le début. « N'y va pas » avait-elle soufflé au moment où Franny avait rencontré les garçons au Howard Johnson. « Je te dis de ne pas y aller. Tu vas le regretter. À 14 ans, on ne va pas se frotter à des types de 17. » Comme Fran avait passé outre, le fantôme s'était enfermé dans un silence boudeur, annonciateur de migraines, et n'avait plus prononcé un mot jusqu'à l'épisode de la cabane. « Je ne le ferai plus, » plaida Franny, parlant d'une voix qui résonnait curieusement dans la solitude de la forêt. « Tu m'entends ?» Alors sa sœur se déchaîna. Elle parla encore une fois de s'en aller si Franny ne se reprenait pas en main. C'était la menace suprême. Celle qu'il convenait de ne pas prendre à la légère. « Je t'en supplie, » sanglota Fran. « Je ferai des efforts. J'essaierai de devenir plus intelligente. Ce sera difficile, mais tu m'aideras. Tu sais bien que c'est de ta faute si mes capacités mentales ont diminué. Il fallait que je fasse de la place dans mon cerveau pour t'accueillir, pour t'aménager un terrier. Plus tu grandis, plus mon intelligence diminue. C'est logique. Plus tu deviendras savante, plus je serai idiote. Ça ne sert à rien de me crier dessus. Je suis la maison, toi la locataire. Tu devrais te montrer plus indulgente. Dors, va, siffla la passagère clandestine d'une voix si perçante que Franny crut que ses méninges allaient se mettre à saigner. Tu es trop stupide pour comprendre ce que je dis. Pas la peine que j'use ma salive à essayer de te déniaiser. Abrutie, Franny s'endormit, au chaud sous les couvertures crasseuses laissées par les occupants de la cabane. À l'aube, elle fut réveillée en sursaut par le bruit de la porte grinçant sur ses gonds rouillés. « Mais on a de la visite !» grasseya la voix d'un homme entre deux âges. « Duce, arrive ! Tu vas te marrer !» Franny se leva. Son t-shirt déchiré laissa apercevoir le bout de son sein droit. Elle en fut affreusement gênée. Elle ne s'était jamais faite à l'idée d'avoir de la poitrine et regrettait depuis 2 ans son torse plat de petite fille. Elle eut honte et chercha à s'envelopper dans la couverture. Quand Gus entra, elle avait fermé sa veste. « Qu'est-ce qu'elle fiche ici, Eddie ?» grogna le nouvel arrivant. Il s'agissait d'un bûcheron âgé d'une 30aine d'années. Les joues mangées de barbe, le corps maigre et noueux. Il avait l'air mauvais d'un blaireau dérangé dans son terrier un os entre les dents. « On s'en fout, Eddie, » plaida le vieux, soudain inquiet du mécanisme qu'il venait de mettre en branle. « On s'en fout. C'est une espèce de hippie, une droguée bourrée de maladie. Il y a du boulot, laisse tomber. » Franny n'arrivait pas à identifier les voix et la lumière de l'aube n'éclairait pas assez l'intérieur de la cabane pour qu'elle puisse distinguer le visage des forestiers. « Toute chaude, la caille, toute chaude !» ricana le plus jeune d'une voix haletante. « Juste ce qu'il faut à un honnête travailleur qui vient de se geler les os en traversant les bois aux aurores. » Gus s'approcha de l'adolescente qui ne bougeait plus, les mains crispées sur le col du blouson de jean. « Tu nous attendais, hein » continua-t-il sur le même ton enjôleur. « Tu as besoin d'être réchauffé, toi aussi. Tonton Eddie et tonton Gus vont s'occuper de toi. » Fanny, pétrifiée, n'osait protester. Eddie, d'abord hésitant, s'approcha à son tour et, d'un geste délicat, écarta les pans du blouson. Gus jeta les mains en avant. Franny sentit ses gros doigts agrandir la déchirure du t-shirt pour lui pincer la pointe du sein. Elle crut qu'elle allait uriner de terreur. Au même moment, un véhicule freina devant la cahute, projetant des aiguilles de pin en tous sens. Fran en profita pour crier. Les deux hommes n'y prêtèrent pas attention. Leurs paumes étaient comme du bois brut, hérissées d'écharpes. Elle avait l'impression d'être caressée par un arbre. Soudain, une ombre s'interposa, projetant les bûcherons loin de leur proie. « Espèce de crétin !» gronda le nouveau venu. « C'est la petite Monroe. Vous ne l'avez donc pas reconnue ? Il faut la ramener à son père et prévenir le shérif. « Bon Dieu ! Vous alliez faire une sacrée connerie. Vous tenez vraiment à violer la fille de notre future mère ?» Franny en profita pour s'échapper. Se faufilant entre les trois hommes, elle courut jusqu'à la voiture, sauta sur le siège des passagers et verrouilla les portières. Deux minutes plus tard, son sauveur toquait à la vitre. D'un mouvement du menton, il désigna les clés du véhicule posé sur le siège. Franny lui ouvrit. C'était un géant aux cheveux blancs et à la face couperosée, vêtu d'une chemise à carreaux. « Je ne veux rien savoir, » dit-il d'une voix rauque en évitant son regard. « Je te ramène à ton père, c'est tout. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête, mais si tu étais ma fille, tu passerais un mauvais quart d'heure. »« Quel âge as-tu ?» Franny se cala contre la portière sans répondre, les yeux rivés sur une brûlure de cigarette à droite du tableau de bord. L'homme n'insista pas. Il paraissait hostile, dégoûté. L'adolescente demeura immobile et muette pendant tout le trajet. Elle se prit à espérer qu'une catastrophe, survenue au cours de la nuit, empêcherait son père de s'intéresser à cette lamentable histoire. Son fichu drugstore avait peut-être été détruit ? Pourquoi pas ? C'était des choses qui arrivaient, non ? Elle détestait cette boutique, et à maintes reprises, elle avait espéré que les produits inflammables entreposés au long des rayons finiraient par y mettre le feu. Ainsi, s'en serait fini de cet horrible bazar. Un général store à l'ancienne mode, comme dans les années 50, se plaisait à répéter George Monroe. Toute l'histoire de l'Amérique intérieure, celle qui se développe loin de la pourriture des grandes villes. Et sa foutue publicité pour son soda de merde, songea-t-elle en serrant les dents. J'ai honte chaque fois que je passe devant l'un de ces panneaux. Monroe Cola, on ne fait pas plus bête. Le soda, son père y tenait plus qu'à sa famille, plus qu'à sa vie. Combien de litres ai-je dû en ingurgiter depuis que je suis née ? Pensa-t-elle en regardant la route défiler à travers le pare-brise. Ne te plains pas, toi au moins tu es née, siffla une voix au fond de sa tête. Tu n'as pas eu besoin de te servir de la cervelle de quelqu'un comme d'une couveuse. Ah ! La sœur se réveillait. Fran songea qu'elle aurait dû s'y attendre. Le silence ne durait jamais longtemps entre les parois de son crâne quand la passagère clandestine était de mauvaise humeur. Toujours, la voix reprenait son bourdonnement, telle une guêpe prisonnière d'un pot à confiture. Franny dit « Sais-tu qu'il croit que son soda va devenir aussi célèbre que le Coca-Cola ? Mais il est infect, oui. Personne n'osera jamais le lui dire. » « Toi aussi, tu mens, » constata sa sœur avec logique. « Tu fais semblant de trouver ça bon. Tu joues la comédie ? et ta mère en rajoute. Deux belles dégonflées, oui. » Parce qu'il nous écouterait peut-être, rétorqua mentalement Franny. Avec tous ces lèche-bottes qui lui répètent le contraire. C'est super, ça me rappelle la route bière de ma jeunesse, quand on buvait encore des trucs 100% naturels. Le vrai goût du terroir, gna gna gna. Même leurs gosses viennent maintenant déguster le soda à la sortie des cours. Pa est bien placé pour les élections. Ça a fini par se savoir. Il peut devenir important un jour. Shérif ou maire, on ne sait pas. Voilà pourquoi tout le monde lui cire les pompes. On le ménage. Sa sœur se taisait, mais Franny la sentait attentive, telle une guêpe en train de choisir l'endroit où elle va planter son dard. C'est à cause de tout ça que maman a quitté la maison pour devenir représentante en produits de beauté, continua-t-elle. La beauté, tu vois, ça l'a changé des litres de soda qui finissait par la faire grossir. Elle devait avoir la nausée à force de tester ses mixtures. Le mélange numéro 67, le mélange numéro 68. Tu sais, elle ne m'a pas oubliée. Elle m'envoie des souvenirs des états qu'elle traverse. J'ai des oranges réveil de Floride, des crocodiles en plastique de Miami. Fran réalisa que depuis un moment, le conducteur lui jetait des coups d'œil en biais. Elle se demanda si elle s'était laissée aller à parler à voix haute. La plupart du temps, elle contrôlait ses monologues intérieurs, mais un dérapage était toujours possible. « Il a peut-être entendu la voix de ma sœur, se dit-elle. Elle parle tellement fort que l'écho de ses paroles doit me sortir par les oreilles. » Cette éventualité la troubla. Lui faudrait-il un jour porter des boules-quies ? Quand elle fut certaine que l'homme ne la regardait plus, elle reprit. « Tu sais, le Toubib raconte que le Monroe Cola est responsable de 60% des cystites qui défilent dans sa salle d'attente. Grandiose, non ? C'est pas tout. Des fois, il y a de drôles de réunions dans le garage. Genre cacaca, tu vois ? Des mecs avec des armes, des uniformes, des fanions, de grosses chaussures paratroopers, ces godillots de l'armée. Au début, je les trouvais ridicules. Maintenant, je sais pas. Je préfère quand leurs réunions se tiennent ailleurs. Fraternité blanche. J'ai déjà entendu ces mots dans leur bouche. Espèce à protéger. Lui et ses copains de la National Rifles Association, ils ont les yeux de... je ne sais pas quoi. Mais ils ne te regardent pas comme les gens normaux. On a envie de rire, mais on se dit qu'il vaut mieux pas. M'en répétait qu'il n'était jamais bon de laisser trop longtemps les hommes entre eux. Moi, je pensais que pendant ce temps-là, pas ne fabriquait pas de soda et que ce serait toujours ça de moins à boire. Remarque, on n'avait pas la paix pour autant. Car c'est là qu'il a commencé à rédiger des discours électoraux et à nous les faire écouter.